On va parler de hockey mineur, c'est... Un, deux tests, OK. On va parler de hockey mineur, c'est le début ce soir de la ronde novice. Ça va se faire jusqu'à dimanche, ici même, dans les glaces du secteur de Dolbeau. Il pourra en parler, on parle avec un des responsables du tournoi, Michael Gaudreau. Salut, Michael. Oui, Bruno. Michael, d'abord, combien il va y avoir d'équipes pour participer à l'événement? Ben là, nous autres, on a Novice B et Novice A. Novice A, j'ai 8 équipes, j'ai 20 équipes dans Novice B. OK. Donc, en réalité, ça fait 28 équipes, c'est ça? Non, excusez, j'ai 12 équipes dans le B, puis j'ai mis 8 dans le A. Dans le A, on va avoir 20 équipes en tout. OK, 20 équipes. Parce que ça a été difficile de recruter? Non, ça n'a pas été difficile. OK. Les années, c'est pas tout à pareil, là. C'est l'année passée, on avait 28, puis on tombe à 20 cette année. Là, on va jamais à la même place. Les équipes vont jamais à la même place. OK. Et ça va venir d'un peu partout, j'imagine? Oui, il y a des équipes de tout partout. J'en ai d'Abitibi, donc il y a un peu partout. J'en ai de Clermont. Oui, j'en ai pas mal. Pas mal de tout partout. OK. Dis-moi, les gens qui vont vouloir assister à l'événement, j'imagine que ça va être... Il y a un passeport pour acheter, j'imagine? Oui, on a un passeport pour la semaine, puis on a l'entrée de pour la journée, là. OK. Il est à combien, le passeport? Le passeport est à 12. 12 $, donc c'est vraiment pas cher. 5 $ pour l'entrée. OK, 5 $ pour l'entrée. Donc, ça devient plus avantageux de prendre pour le passeport. Dis-moi, j'imagine qu'il y a eu plusieurs commanditaires qui ont joint l'événement également. Oui, il y en a eu plusieurs commanditaires. OK. Est-ce qu'on peut les nommer, quelques-uns, ou... Oui, notre commanditaire officiel, c'est Metro. OK. Après ça, on a de l'Bouquigène. OK. Puis on a plusieurs de secteur ici. OK. Donc, sans eux, évidemment, ce serait impossible de faire le tournoi. Donc, les matchs vont se dérouler dans l'aréna du secteur de Dolbeau, j'imagine. Est-ce qu'il va y avoir un petit signer un peu ou ça va se faire signer? Oui, ben là, mercredi, jeudi, c'est juste à Dolbeau. OK. Après ça, vendredi, on commence un signer. OK. Et samedi, toute la journée aussi. Et les finales, j'imagine, on revient à Dolbeau pour les finales. Ben, la demi-finale est à Mississippi. OK. Puis la finale est à Dolbeau. OK. Donc évidemment, on sert des deux glaces. Ben, Michael, un gros merci. On va essayer de se reparler cette semaine. Oui, c'est bon. Je vous remercie. Donc, un des responsables du tournoi novice, Michael.